We'll be right back. lâche en mur. J'ai plus de son. La Titi s'est barré. Putain. Titi don't like. Mike, il est parti aussi. Come on, change server.